Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. On va parler de plein air avec Émilie Gauthier. Voici, veux-tu sortir avec moi? Hola! Hola, Chiquita! Allô! Oh, Chiquita! Tu te lances des marques de bananes le matin, toi? Ben non. Mais c'est amical. Bonjour, Émilie. Allô. T'as l'air en forme aujourd'hui? Oui, très en forme ce matin. Bonne fête! Merci! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Quel âge, vous? 21. 21 ans. Ah. Et puis, t'as-tu fêté un peu ou c'est plus... Non, ben pas du tout. Voyons, il n'y avait pas un gros party à Trois-Rivières hier. Je me rappelle pas de ça. Non, il n'y a pas de party hier. Il y a un petit party de la PP hier. Ouais, c'est ça, exactement. Ça, c'est où ça se déroulait ici, vous dites ça? À Bâtisse Industrielle. À Bâtisse Industrielle. C'était le fun, ouais? C'était le fun. Ouais. Un peu trop? C'est tout. Je rajoute rien sur le sujet. Hey, mais t'as pas de l'air magané, ta voix. Non, t'as l'air vraiment en forme pour vrai. Yay! Bravo! C'est fou, hein, comment à 21 ans, on revient rapidement. T'es encore un petit bébé. Yay! Ouais. Ben, félicitations, ta voix. Et puis ça te fait quel signe astrologique? Scorpion. Yay! Donc, bonne fête au Scorpion. Ascendant, je sais pas quoi, là. Ascendant, moi. Ben ça dépend de l'année, de ton année de naissance. Non, ou ça, c'est ton c'est signe chinois. C'est chinois, ça, ouais. Ouais. Bon, allez, félicitations, on regarde cette musique-là tout le long? Tout le long de la chronique. Ouais, ça peut être dingue. Parce qu'Emilie, elle l'entend pas, elle est pas d'écouteur, mais t'as une petite musique de fête derrière toi. Là. Oh ouais. Mon Dieu, j'ai hâte de l'écouter. Ah, regarde ça, regarde. Yeah! C'est pas merveilleux, ça? C'est beau! C'est une journée de fête aujourd'hui. Yeah! Sortez les crécelles. Ça vient de mettre un peu de soleil dans mon cœur. Ben, mettons-en encore plus parce que tu veux nous parler aujourd'hui dans ta chronique spéciale Ta fête, genre. Chronique spéciale Ta fête. D'endroits que tu préfères qui ne sont pas nécessairement très très près de nous. Ben, c'est pas nécessairement en Mauricie, mais comme il y en a beaucoup qui savent, je ne viens pas vraiment de la Mauricie non plus. C'est de Moulogville. C'est en Montérégie, 40 minutes au sud-ouest de Montréal. Fait que moi, la Mauricie, j'étais jamais allée avant de venir à l'université ici. OK. Fait que. L'université / l'APP. C'est rendu une pause du party! Eh oui! Fait que dans le fond, j'ai décidé de parler de quatre petits endroits dans le fond, qui me touchent un peu plus, mais je me dis, il y a des gens qui viennent de Montréal, fait que ça l'exclut personne. On peut tous y aller quand même, c'est juste que c'est un petit peu plus loin. Donc, je commence avec le Parc national du Mont-Tremblant. Quelqu'un qui aime pas le plein air, c'est impossible qu'il aime pas le plein air en sortant du parc du Mont-Tremblant. C'est impossible, c'est ça tellement doit être très beau. Beau. C'est très beau. Ça doit coûter très cher. Non, parce que dans le fond, tous les parcs qui sont régis par gouvernement, province, c'est tout le temps le même tarif. C'est bien la seule affaire qui est abordable là-bas. À peu près. dans le fond, le Parc national du Mont-Tremblant, c'est le plus ancien des parcs nationaux et le plus vaste au Québec. Il est bordé par une réserve faunique et un territoire de 1510 km², 400 lacs, 6 rivières, des marécages, des marais, tourbières, peuplement forestier. Donc, c'est assez varié, mais c'est impossible de ne pas trouver quelque chose qui va nous plaire. Il y a aussi une quarantaine d'espèces de mammifères, 190 espèces d'oiseaux. Donc, il y en a pour tout le monde. Le parc est divisé en trois secteurs. Il y a le secteur de la Diable, la Pimbina et l'Assomption. La Pimbina. La Pimbina. Une autre sorte de banane, ça. Ça ressemble à ça. Ah, peut-être. Je sais pas. Le secteur de la Diable, c'est dans le fond, c'est dominé par le massif du Mont-Tremblant qui fait 930 mètres d'altitude. C'est là qu'il y a la plus grande concentration de sentiers pédestres. Point de vue sur la rivière du Diable. Ça doit être beau. C'est vraiment beau. T'es un petit peu fatigué rendu en haut, là, mais ça vaut... Ça vaut la peine. Tellement la peine. Je devrais envoyer des photos, Mathieu, puis t'es Mathieu aussi. OK, ben parfait. C'est très beau. Peut-être conseiller aux gens de pas aller à une association des pros du party le soir avant. La veille, exactement. Là, peut-être mieux aller. Ouais, je pense que oui. Mais sinon, tu peux-tu... y a-tu des remontes-pentes dans le sens qui peut t'amener plus près, non? Dans le parc national, non. Non? Mais il y a aussi ce qui est comme le parc de ski, là, quelque chose comme ouais, ça. Ouais, il y a vraiment comme deux sites internet. Ce qui est le plus pour le ski, d'après moi, les remontes-pentes, comme la fin de semaine, l'été, ils doivent remonter pour aller en haut, quelque chose comme ça. Okay. Mais c'est pas à même le parc national, là, c'est comme une autre face là, du massif. C'est comme Ski Town. Ski Town, Ski Town, Ski Town, la ville du ski. Non, la pub, non. Non. Continue. Avec les gens épais là, okay. Qui, dans la caméra, font secteur La Pimbina, c'est un peu plus sauvage. C'est dans ce secteur-là qu'on va trouver un sentier qui se rend le plus haut, soit 883 mètres, en prenant le sentier Le Carcan. On peut aussi arriver à une chute, une cascade de plus de 17 mètres, puis le secteur de l'Assomption est un peu plus axé sur l'interprétation. Mais dans les trois secteurs, dans le fond, il y a moyen l'été de faire du camping, il y a moyen de... Dans tous les secteurs, il y a les activités propices, mais l'avantage d'aller dans le secteur de la Diable, c'est que si on aime bien faire la randonnée, c'est pas mal là que le plus de sentiers est. Donc, on a un total de 176 kilomètres de sentiers. C'est un peu à 3 heures de l'université. Fait que bon, c'est un petit peu loin. C'est loin un peu. Pour les gens de Montréal, c'est 1h30, fait que ça se fait très bien. Mais tu sais, des fois, là, c'est ça, on se ramasse à aller à Tremblant pour, je sais pas, mettons, nos amis font du ski, ce truc-là. Tu sais, on peut, de là, la pertinence de ta chronique, on peut faire d'autres activités aussi. Ouais, au lieu de rester au chalet, on va louer une paire de raquettes, puis on va au parc, puis... J'imagine que l'hiver, ça doit donner des vues assez impressionnantes aussi. Oui, tout à fait. Imprenable, peut-être. Peut-être. Tu peux pas y prendre. Trop dur. Oh, Mathieu. Fait qu'une heure et demie pour les gens de Montréal, là, sans passer comme par la 15, quelque chose comme ça. Là. De toute façon... sortez votre GPS. De toute façon, on peut aller sur cepac.com/PQ/MOT pour... avoir des informations, cartes routières et tout. Et le lien va être sur assemblagerequis.com aussi oui. Très bien. Oui. On doit débourser 3,50 $ par personne, donc c'est vraiment le tarif des parcs nationaux. C'est ouvert de tous les jours de 9h à 16h pour la période hivernale. Les points de vue sont vraiment impressionnants. Les animaux sont pas très sauvages, donc c'est quand même facile de les observer. Bon, sur 19 sentiers, il y en a 5 qui sont débutants, 11 intermédiaires et 3 avancés. Donc, pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience, c'est peut-être pas la place où commencer. Mais autant pour la route, ou comment on fait pour se rendre, que pour le parc, je pense que c'est vraiment beau et ça vaut vraiment la peine. Mmh. On parle d'endroits préférés d'Émilie. Dans sa chronique, elle veut sortir avec moi. C'est un spécial Tough Fight. C'est ma fight. Avec l'accent trifluvien. Tough Fight, man. Tough Fight. Hey, bonne fight, man. ça te ressemble assez hier. Hein? Bonne fight. Genre. du monde de classe qui se pointe d'un parti de la pépé. Donc, deuxième endroit où on se pointe, c'est le parc national du Mont Harford. Je voulais pas t'insulter personnellement, toi. Non, ça vise personne. C'est juste généraliste. Ouais. Là. Ouais. C'est ça. Ouais. T'en es bien sauvé. Ah oui, continue. Oui, donc, Harford. Oui, ah, Harford. C'est un peu plus petit, 58,4 km², caractérisé par deux massifs. Il est trop petit. c'est pas mal plus petit que l'autre, en tout cas. Deux massifs, c'est-tu des gens musclés orange? Ouais, c'est les bodyguards à l'entrée. C'est ça. Non, les bodyguards. Non, hey, wow, je ne vais pas insulter les bodyguards. C'est pas les bodyguards, ils sont fins, les bodyguards. C'est des douchebags que j'aime. Ah, OK. C'est différent. Ah, ben, tu te serais bien amusé hier. Avec les douchebags? Non, sûrement pas. Hein? Non, sûrement non, pas. Mais... C'est bien d'avoir. Oui. Donc, je disais, deux massifs. Il y a comme plus le mont Offord et le mont Chauve. Le territoire est couvert à 80 % d'érable à sucre. Fait que Mathieu, vas-y au mois de mars, tu vas être bien content. C'est malin, il va être enflé à la fin, ça. Oui. Il y a un sentier qui monte à chaque sommet des deux massifs. La faune est vraiment variée. Sur 8 sentiers accessibles, il y en a 2 débutants, 5 intermédiaires, 1 avancé. Donc, ça convient peut-être un peu plus à tout le monde. Le sentier le plus long est quand même juste de 9 km et monte à 533 mètres. Donc, contrairement à Tremblant, c'est un petit peu moins pire. Donc, on a 45,5 km répartis en 8 sentiers. C'est à 2 heures de l'université, fait que c'est peut-être un petit peu moins pire, direction Sherbrooke. Les gens de Montréal, encore 1h30. C'est ouvert à l'année, on doit débourser 3,50 $ par personne par jour. On peut se rendre au cepac.com/PQ/MOR pour plus d'informations. Avec un bon pas de marche, moi, je dis qu'on peut facilement faire 2 sentiers dans la même journée. Nous, on a fait un gros, puis on a fait un autre qu'on pensait qui était quand même assez long, mais finalement, qui s'est avéré petit. Mais on aurait eu le temps d'en faire un autre. Arriver un petit peu plus de bonne heure le matin, puis on a quand même une belle journée. Le site est quand même assez vaste, agréable et facile à découvrir. Les gens étaient vraiment sympathiques. Là. Pour ceux qui font pas beaucoup de randonnées, là, quand on se croise dans les sentiers, habituellement, les gens se disent « allô ». C'est allô. Le même partout. Là. C'est sympathique, ça. Allô! C'est... Allô! C'est comme « salut! » Puis c'est juste le fun. Quoi de neuf, comme si t'es connaissais. Puis... c'est pas comme sur le trottoir à Trois... dude! Hey, il faut longtemps qu'on s'est pas vu! C'est pas comme sur le trottoir à Trois-Rivières que tu souris puis le monde te regarde quasiment avec une face de question. C'est vrai, c'est vrai. J'étais allée dans mon coin en fin de semaine puis le monde me disait quasiment « allô! » Puis là, j'arrive ici hier puis c'était comme « qu'est-ce que tu veux? » C'est ça sent... Tant que ça, moi, je le remarque pas parce que en fait, je suis souvent ici. C'est mais... comme l'odeur, hein? Ça finit par... Ouais, tu t'en aperçois plus. C'est ça. Mais... ben, je marche quand même dans les rues aux alentours, puis je dirais que le monde, autant des étudiants que... À part les facteurs sont déjà sont fins, des ouais. gens très sociables. J'y croise pas souvent, non? Autre, mais... ben, c'est juste une fois par jour, puis c'est trop de bonheur. C'est ça. Pour moi. Ben, en tout cas... Pour toi? Ouais, la fête. Ben, entre... ouais. En tout cas, dans les sentiers, le monde sont bien se mettre. C'est vraiment situé proche de Sherbrooke, fait que si on veut les terminer la journée avec un verre ou quelque chose, c'est une demi-heure de Sherbrooke. Un verre ou plusieurs? Oui, peut-être pas ce soir. Peut-être pas. Donc là, dans la tournée générale à dos de chameau, des différents endroits que Émilie adore, ses endroits préférés, donc c'est normal que ce soit pas nécessairement proche. Elle a choisi ses coups de cœur à elle dans la vie en général. Oui. Parce que c'est sa forte. Fight. Bonne fête encore. Oh, oui, merci. Encore. On est rendu au sentier du Mont Rigaud. Ça, c'est vraiment dans mon coin. Là. C'est vraiment là que j'ai commencé à aimer la randonnée pédestre. Fait que je peux pas passer par-dessus. C'est vraiment tout petit comme mont. C'est vraiment plus au sud de la province. On s'entend qu'on est à 20 minutes de l'Ontario. Donc, peut-être un petit peu loin de Trois-Rivières. À peine. Ben, c'est 2 heures. Ouais. C'est quand même pas super. On connaît le Mont Rigaud plus pour le ski, mais on peut quand même faire de la randonnée pédestre. Il y a des sentiers qui sont comme de l'autre côté de la face de où est-ce qu'on peut aller faire du ski. C'est un mont qui a quand même 450 millions d'années, puis qui mène à une vue sur le fleuve Saint-Laurent, les cimes des Adirondacks, puis même quand il fait beau, on est capable de voir l'oratoire Saint-Joseph de loin. La vue est vraiment belle, même si c'est juste 100 mètres de dénivelé. Il y a quand même beaucoup de monde, de d'eau qui passe, fait que ça fait vraiment beau. C'est 25 km de sentier divisé en 6, 2 débutants, 4 intermédiaires, mais c'est quand même des intermédiaires faciles, je dirais. C'est ça, 2 heures de l'université, 45 minutes de Montréal. Donc, pour ceux qui redescendent dans leur coin, la fin de semaine, c'est quand même pas très loin. Il y en a beaucoup. Gratuit, ouvert à l'année, du lever au coucher du soleil. Le site est un peu trop long pour que je le dise, donc on peut se rendre sur assemblage requis. Là. québecvacances.com/escapade, les sentiers du Mont Rigaud avec des traits d'union puis tout. Ouais. Googlez votre ami aussi, si jamais. Aussi. Ouais. Mais sinon, assemblage requis est une belle option. Un beau petit lien. Un beau petit ouais. lien. Il nous reste 2 endroits. Commençons par le complexe archéologique de Pointe-du-Buisson. Ça, là, c'est au bout de ma rue. Okay? C'est ah, genre ouais. vraiment depuis que je sais marcher que je me rends là. Wow. Puis, c'est vraiment très, très centré sur toi. J'aime ça. C'est bien. Oui, c'est vraiment chez nous. Au là. Bout de ta rue. Chez nous, chez nous. À Melorgeville. À Melorgeville. C'est situé proche de rapides du fleuve Saint-Laurent, qui était occupé par des Amérindiens il y a environ 5000 ans. Dans le fond, ce complexe-là, c'est vraiment des fouilles archéologiques qui sont effectuées à une dizaine d'endroits sur le site. À l'accueil, il y a vraiment un pavillon d'interprétation avec environ 2 millions d'artefacts trouvés pendant les fouilles, donc quand même beaucoup. Il y a quelques vestiges sur le site, une reconstitution d'un camp de pêche. Il y a vraiment 2 tout petits sentiers. Là, en tout, ça fait 2,4 km. Là, c'est vraiment tout petit. Mais il y a des escaliers qui se rendent sur le bord des rapides. Il y a des plus jeunes qui se baignent là l'été, mais plus ou moins légalement. Puis il y a tout le temps un mort par année. Mais ah, sympathique. C'est des rapides. T'es pas censé aller se baigner là-dedans, mais non. La vue, c'est vraiment beau. C'est quand même 2 heures de l'université, mais je dois en parler parce que c'est ta fête. C'est ma fête, puis c'est vraiment chez nous. Là. Je le vois de ma maison. Là. Ouais. Wow. pour accéder au pavillon d'interprétation puis au sentier en basse saison, comme de la fête du travail à mi-mai. C'est 2 $ du mardi au vendredi de 10h à 17h. Dans le fond, c'est quand même des frais pour les fouilles et tout ça. Donc, www.pointedubuisson.com pour plein de photos et de l'information. Ah, oh, super. Il nous reste une dernière place et là, on revient un petit peu plus en Mauricie, c'est le parc national. Ouais, j'en ai déjà parlé plus d'une fois. Là. L'année passée, j'en ai parlé comme 2-3 fois. Cette année, encore 2 fois. Bon, je vais faire ça rapidement. J'ai vraiment aimé ça quand je suis allée quelques fois et je trouve ça vraiment beau, facile d'accès pour tout le monde. En tout, 152 km de sentier, 5 débutants, 3 intermédiaires, 3 avancés. C'est fermé depuis le 17 octobre, mais bon. C'est fermé? On peut y aller quand même, c'est ça? Bien, ça va rouvrir officiellement quand que la neige va permettre des activités hivernales. Je pensais pas que ça fermait. Les dates officielles, oui, ça fermait le 17 octobre, mais comme l'année passée, Kiwan, on avait parlé ensemble, on peut se rendre. Le parking, tu sais, la barrière, je pense que ouverte. La seule chose que c'est vraiment à risque et péril. T'as pas de service, t'as pas de... Il y a pas de service, s'il arrive de quoi, ben c'est toi qui t'arranges. Tu sais, dans le fond, c'est de la sécurité et tout ça aussi, mais oh. Là, il y en a pas, il y a pas d'accueil. Fait que c'est ça. C'est tout. C'est tout? C'était un petit résumé de mes coups de cœur de la vie. Ben, ils sont jolis, ouais. Tes coups de cœur, je trouve. Merci. Ce sont de très bons coups de cœur. Et les notes, encore une fois, seront dans les prochaines minutes sur assemblagerequis.com. Tous les liens vers ça. Et puis, vous pouvez retrouver les balado-diffusions d'Émilie sur le site de C'est Fou ou cfou.ca. Oui. Chaque semaine. Et puis, l'émission complète sur assemblagerequis.com. Donc, plein d'options pour réentendre Émilie. Et entendre ma chanson de fête. Yeah! Vous deux qui chantent mon bonne fête. Oui. Je vais l'enregistrer de mon ordinateur. OK, bon, on va la refaire d'abord en meilleure qualité. Tu sais, on va juste faire vraiment un silence pour que tu puisses te le garder pour toutes les années à venir. OK? Attention, on chante-tu? T'es prêt? Oui, oh, oui. Attention, ouais. Attention. Bonne fête, Émilie. Bonne fête. Ou c'était mieux les pieds à Mathieu Blanc. On va l'entendre un petit peu de Our Book and the Authors, la pièce Kids. Et puis on se retrouve après pour se dire un au revoir et peut-être une autre bonne fête. Non, sûrement pas. Hey Mathieu! François Olivier! Hey Matt, peux-tu bien me dire pourquoi il y a un 10 roues dans le stationnement? Il y a plein de garnottes dans notre bureau. Ben depuis que j'ai entendu dire qu'Assemblage Requis construisait notre journée avec des matériaux de qualité, ben je fais livrer un camion de garnottes puis un camion de béton par semaine, c'est juste pour aider, je suis fin de même. Matt. Depuis le temps que t'animes cette émission-là, t'as jamais pensé que les matériaux de qualité c'était les chroniqueurs puis la musique? Ah, ça... Ça a bien du sens comme slogan, ça, hein? Hey, pis toute ta patente, là, ça nous a coûté combien, ça, là? Hey, man, qu'est-ce que t'as mangé à ma tête? Tu sens bon, là? Assemblage Requis, du lundi au jeudi, de 7h à 9h, à C'est Fou. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui.